بسم الله الرحمن الرحيم. طيب أسألك، كيف تقول البي الدول؟ فمعنى موضح éclaircissant مظلل couleur assombri non assombri مساحة surface نعم surface étendue نعم امتد يمتد ça c'est s'étendre non s'étendre s'étendre comment on dit foncer ramir comment on dit des minorités aqaliyat شدة شو اللام الأقلية كم عندي un pourcentage نسبة كيف تقول فير لون لون الفير أخضر شو كم مربع كاري ما معنى فاتح لون فاتح كلير كلير كلير أين وضع يحيى الخريطة؟ أمامه. لماذا وضعها أمامه؟ يريد أن يعرف الدول الإسلامية. كيف يستطيع معرفة الدول الإسلامية؟ فيه جزء يبين ليس فيها خريطة. الدمية فيها خريطة في المؤنث. فيها جزء يبين يبين الدول الإسلامية. ما الذي يدل عليه اللون الأخضر الغامق؟ الدول الإسلامية. أين يعيش المسلمون؟ في العالم الكامل. في العالم كامل. لماذا وضع المربع في أسفل الخريطة؟ لأنه يوضح نسبة المسلمين وعددهم في كل دولة. طيب باب الاختصار souvent tu dis لأنه des fois tu dis juste لي avec le مصدر لوضوح كذا وكذا وكذا لي plus مصدر نعم لم تعليل فتقول لماذا جاء محمد tu veux dire لأنه يريد أن يأكل معهم وللأكل مثلا للأكل مباشرة طيب قلنا رقم كم moi j'ai marqué là je sais plus ça vient sur la feuille en fait mais sinon c'est le خامس c'était tout après خامس ouais لا هاي تجيزي الكلمة تفضل انظر هذه المساحة في اللون هذه المي هذه المساحة في اللون الغامق فيه وفيها بتو فيها الدول الإسلامية في كل العالم في هذا المكان المظل مش بس في هذا المكان المظللي باللون الفاتح تعيش فيها أقلية المسلمين المسلمة أقلية مسلمة أقلية نوع أقلية مسلمة أقلية مسلمة نعم أقلية مسلمة alors minorité مسلمة c'est quoi tu تمد دو تمد دو يمتد يمتد دو يمتد دو الدو الدول الإسلامية من المشرق إلى المغرب الأخضر الأخضر جو بيعطيك اللون الأخضر الفاتح يبين الدول التي تقل المسلمين. أنا عايز بيعطيك على نفسي. المربع الأخضر المربع الأخضر الفاتح يبين الدول التي تقل المسلمين التي تقل المسلمين تقل المسلمين. لا يقل المسلمون فيها يقل المسلمون فيها لكن المسلمون sont peu. هذا تريد يقل الفعل المسلمون فاعل وفيها فيها و والدائرة الدائرة تبين عدد المسلمين بالنسبة على عدد المسلمين في البلاد. عيد alors le cercle والدائرة والدائرة تبين عدد المسلمين بالنسبة على عدد بالنسبة لي على لعدد المعيشين في البلاد كيف في البلاد شو بدي اقول المعيشين لا المسلمين المقيمين أو لا عايشين ما معيشين بالميم لا ما يوجد هذا صار لي في دو فيرب عاش يعيش لا pas de mime dedans le mime là c'est autre chose المقيمين تدري ما المقيمين ceux qui résident على فقط طيب نقول في الدرس 28 ما زلنا في العالم الإسلامي كلمات الجديدة ما قال أرتيكل تعاليم Moulay m'a toujours jusqu'à la alaya, je pense que ce sont les enseignements. Kouwatun, c'est la force. Al-Bunyanu, ça c'est construction. Chose construite. Shadda yashuddu, c'est renforcer. Il va y avoir d'autres sens, mais là dans le sens de renforcer. تباعد يتباعد تسلوني تسلوني entre آدام يديم c'est faire durer التمسك ça c'est l'attache التمسك بالدين c'est l'attache à la religion l'accroche سأقرأ الحوار سأقرأ منصورا وانت يحيى شعرت بالسعادة لما رأيته وسمعته منك لما فن شعرت بالسعادة لما رأيته وسمعته منك donc j'ai ressenti du plaisir du bonheur de ce que j'ai vu et entendu de toi لأن معرفة المسلمين وأحوالهم في هذا العالم الواسع أمر ضروري car le fait de connaître la situation des musulmans dans ce monde large dans ce monde vaste est une chose nécessaire. وماذا ستفعل بعد أن تدرس هذه الخريطة et que comptes-tu faire après que tu étudies cette carte? أريد أن أكتب مقالة في إحدى الصحف عن المسلمين. كيفونا. Je voudrais écrire un article dans l'un des journaux sur les musulmans. أذكر فيها. أذكر فيها معلومات عن عددهم وأحوالهم ونشاطهم ومساجدهم ومدارسهم ومعاهدهم وجامعاتهم. Je voudrais y écrire différentes choses, donner des renseignements à propos du nombre de leurs, à propos de leur densité, des musulmans, leur recensement, on va dire, leur situation, leur activité, leurs masajids, leurs écoles, leurs instituts et leurs universités. Les musulmans, c'est une seule communauté qui les unit sur la croyance islamique. كما انهم يعبدون الله الواحد الذي خلق كل شيء لا شريك له. Comme du fait qu'ils adorent Allah seul, celui qui a tout créé sans associé. ويتجهون جميعهم في صلاتهم كل يوم نحو قبلة واحدة مهما اختلفت ألوانهم ولغاتهم ودولهم. Ils se dirigent tous dans leur salat tous les jours en direction de la Qibla, une seule Qibla, une seule direction, quelle que soit la différence de leur couleur et de leur langue et de leur pays. حقا إن قوة المسلمين في قوة عقيدتهم وفي تعاونهم كما يقول الرسول عليه السلام صلى الله عليه وسلم المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. Il dit réellement, vraiment, la force des musulmans est dans la force de leur aqidah et dans leur entraide. Comme le dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le musulman est pour le musulman comme une construction. Ils se renforcent les uns les autres. Adullah an yudima bayna al-muslimin as-sa'adata wal-hub wa ta'awun wa tamassuk bi ta'alim al-islam. Et j'invoque Allah qui fasse durer au milieu des musulmans le bonheur et l'amour et l'entraide et l'accroche aux enseignements de l'islam. كلام جميل في الواقع على الأسف ليس كذلك. مو كلام كي تنجي لا يعني سا سا كوز دو لوبتيميزم مي دون الواقع دون لا رياليتي سي با كوم سا سا سباس بلا شك كي نوتر قوة دون نوتر عقيدة اي اوجوردي كومبيان دو مسلمين اكزيست سور تير اي كومبيان سو سون عقيدة صحيحة كومبيان اي لا سول بروف دو سولا سي لو حل سو لوكيل اون اكتوالمون. Comme d'art, le nombre qu'on est, et pourtant on est incapable jusqu'à ce jour de faire face au kuffar, de s'unir sur une seule parole, sur une seule croyance, un seul manhaj, on n'y arrive pas. Il est maintenant, et ceux qui arrivent à faire cela, ce sont des gens qui, malheureusement, qui sont les plus offensés et les plus lésés, les gens de la sunna. Et quand j'ai des gens de la sunna, je parle pas de ce que ce ne sont pas des shi'a, je parle des salafis, des sunnis salafis. C'est-à-dire là, beaucoup de gens appellent à cela. Et le jour où tu viens avec ça, ils te font la guerre. Bon, on a une seule aqida, taïeb. Et la salle selon cette Qibla, taïeb. On doit s'entraider, taïeb. On doit apprendre, ta'alim l'islamia. On est d'accord avec vous, tout cela on le fait. Pourquoi quand on vient, vous nous faites la guerre? Vous les salafis kaza, vous les salafis kaza. C'est à ça qu'on appelle les gens. À l'aqida sahiha, le ménage sahih. Cette aqida, tu l'apprends de qui? Tu l'apprends du kitab Allah, sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et de la femme des Sahaba. Si vous marchez là-dessus, il n'y aura pas de mouchkila. Mais le khalal, il est où? Qu'il y en a, il s'arrête, kitab Allah, il ne dépasse pas ça. La sunna, il la délaisse. Et t'en as, ils prennent kitab et sunna. Mais ils apprennent quoi avec leur compréhension? Et t'en as, ils prennent kitab ou sunna Sahaba, verbalement, mais dans les faits, ils ne l'appliquent pas. Donc, où est-ce qu'on est unis là-dessus? On n'est pas unis à l'Al-Asaf. Et quand tu appelles les gens, tu fais une kalamunka. Et ils font la guerre. Aujourd'hui, maintenant, la plupart des musulmans, on dirait que leur principale activité, c'est de salir les hukam. Salir les hukam. Pas parce que les hukam, t'es pas un muslim ou t'es pas un vrai. On dit les hukam, ils ont leurs erreurs. Parmi eux, on ne doute pas qu'il y en a qui sont sortis de l'islam. On en a déjà vu. Le Kadhafi et l'autre là de Souria, Bachar Assad. Ça, personne ne nie, tu vois. Peut-être. Mais maintenant, ceux qui sont des musulmans, jusqu'à preuve du contraire, c'est quoi la faïda de les salir, de les insulter tous les jours? Des erreurs, ils en ont, ça. Il n'y a personne qui nie. Ça sert à quoi d'arriver d'écrire sur lui, un tel c'est un kaza, c'est un monafir, qu'il a fait ci, il a fait ça. Hein, il se balade en limousine, il a une maison en or, et alors? S'il fait tout ça, ça va arranger quoi de dire ça aux gens? Ça va citer quoi? Qu'ils auront juste de la colère contre lui. Donc le jour où il va appeler un ordre, ils vont pas obéir. Et là-bas, c'est quoi? C'est Atirullah ou Atirullah Sol, ou Ulil Amr Minkum. On doit lui obéir. Donc déjà, si on n'arrive pas avec nos propres gouverneurs à s'entendre, les gros, ils s'entendent, c'est pas se soumettre à eux. Comme des gens de faire croire que les salafis, c'est des gens, c'est les musulmans des gouverneurs. Bien sûrement pas. Les gouverneurs sont mal, on le reconnaît. On évite justement d'entrer les hokems parce qu'on sait qu'il y avait beaucoup de fitaines, les salafis, ça qu'ils faisaient. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu le piétines et tu le sais devant tout le monde. Tu le conseilles. Et c'est pas tout le monde qui est apte à conseiller un hakim. Déjà, c'est pas toi, tu viens, tu écris un message sur les réseaux sociaux et tu dis je conseille au gouverneur Foulen. C'est même pas qui tu es, c'est même pas pour lui. Laisse parler à Alim qui va venir avec Adillah, avec Mansloum. Tu vois? Et s'il accepte, Hamdoulah, s'il accepte pas, khalas. Devant Allah spontané, le wajib a été fait. Il a été conseillé. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Adinu al-Nasiha, kunna l'iman, qala lillah, wa li kitabihi, wa li rasuli, wa li aimati al-muslimin wa ammatihim. Dans le hadith, on dit bien, pour les gouverneurs, il n'y a personne qui dit qu'il faut conseiller le gouverneur. Mais maintenant, qui sait qui a peut-être le faire, qui sait qui sait bien le faire? Eux, c'est pas un nasiha qu'ils font. Eux, c'est ihana. Ils le rabaissent, ils l'insultent. C'est pas comme ça qu'il va rectifier son erreur. Sûrement pas comme ça. Et ceux qui parlent sur eux à longueur de journée, je te raconte même pas leur hell à eux-mêmes. C'est souvent la plupart des gens qui regardent, qui passent leur temps à parler sur le hokem, c'est les gens qui ne se voient pas eux-mêmes, en premier lieu. Tellement il est acharné à regarder, comme il avait dit chez Abou Bilal, c'est la télécode des Ikhwan, des musulmans. Le Mushaf, ces gens-là, surtout le Mushaf, les feuilles du Mushaf, elles sont collées, tellement ils ne se voient pas. Sahih Bukhari, ça se trouve long dans la maison pour dire j'ai une maktaba, plein de poussière. Bon, Sahih Muslim, tous les hadiths, les kutub de hadiths, les moutons des aïmah, ils les ont peut-être pour décorer la maktaba, et pour dire je l'ai. Moi je m'en fous d'avoir des chers islam, il va l'avoir. Quitte à tout ça, il va l'avoir. Mais son temps, il va passer sur quoi? Internet, sur les journaux. Ahmed, journal Intel, la page Facebook de Intel, le compte Twitter de Intel, c'est ça, c'est là-dessus qu'ils prennent leur akhbar. Que sur les journaux. Et les journaux, c'est les plus grands des quatre zahabines. Et c'est là qu'ils parlent. Tout ce qu'ils prennent leur journée, c'est là-dessus. Là. Telle journée, il a dit telle chose sur le Hakim Fulani. Et un tel, il a fait ça. Un tel est parti à tel pays, il a fait ça. Un tel, il fait telle chose. Un tel, il fait telle chose. Et voilà, toute la journée, c'est ça. Tu dis, t'as pris combien de versets aujourd'hui? Combien t'as révisé le Coran aujourd'hui? Il va dire, là, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Bah, déjà, t'auras du mal à ce qu'on soit sur une Umma Muttahada. Si tu disais le Coran, t'arrives pas à le comprendre, t'arrives pas à le lire. Car là-bas, c'est le Coran. Et la Sunna qui explique le Coran, et les Sahaba qui expliquent comment comprendre la Sunna et le Coran. Si on n'arrive pas à comprendre ça, ben on n'a rien compris. Ils sont là, Palestine. Comme si on dirait que les gens ils en avaient rien à faire de la Palestine, c'est pas vrai. Nous on vous dit la Palestine, crier ça sert à rien de crier. Crier ça sert à rien. Les Palestiniens de là où vous êtes, ils n'entendent pas. Donc les cris ça ne servait à rien. Tu veux aider les Palestiniens, mets-toi droit toi, et appelle à rester comme les autres. Il se peut qu'Allah nous va nous wafak pour qu'on s'unisse sur une chose, et que là on pourra faire peur à nos ennemis. Mais pour l'instant, demain on va aller en Palestine, tu vas pas faire grand chose. On sort tous, allez, on sort sous l'autorité de qui? Demain, allez, on part tous en Palestine pour combattre. C'est qui notre gouverneur qui va nous diriger? On part pas comme ça sans avoir un chef. C'est qui? Ils vont tous se battre pour être le chef déjà. C'est moi. Déjà, donc division déjà, ça c'est qui le chef? On va aller où comme ça? On va même pas sortir du. Allez, de notre ville, on sera déjà en divergence. Tu ne parles même pas de sortir du pays. Ce n'est même pas de ta ville, t'es même pas sur un Kelema Wahida. Donc qu'est-ce que tu vas aller combattre? Vous êtes en guerre entre vous. Tu vas aller combattre les juifs. Ils vont vous dévorer. Comment? Même pas par eux-mêmes. Tu vas arriver là-bas, t'as la France qui va débarquer sur toi. L'Amérique, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, tout le pays des couffards, les forces mondiales aujourd'hui, la Chine, la Russie, et vous allez tous vous sauver. Vous allez perdre non seulement la Palestine, et peut-être même vos pays que vous avez actuellement, vous allez les perdre. Pourquoi? Parce que la base, elle n'est pas là. On n'est pas unis. Donc on ne sera pas unis. On ne va pas avancer devant les koufars. Et les koufars, ils le savent. Donc c'est quoi leur principal passe-temps? Diviser. En vend quoi? Des journaux. En se laissant qui? Les hokem et l'autre, les autres qui se souffrent, qui n'ont pas compris ça. Ben, ils jouent le rôle des koufars. On est à Allah Akbar. Tu sais, hein, comme on a expliqué, Zulukhoy Sera, il n'a pas été satisfait du Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. C'est pas vous aujourd'hui qui êtes satisfait des gouverneurs que vous avez. C'est-à-dire, c'est le faux ordre. C'est le faux ordre. Donc tant qu'on n'aura pas appris hein, le tawhid, c'est quoi, appliquer le tawhid, appliquer la sunna, appliquer le ménage des salaf, t'attends pas un résultat. T'attends à aucun résultat. Il n'y a pas de résultat à attendre. C'est pas être pessimiste, c'est une réalité. Allah nous a dit comment avancer, quels sont les moyens à obtenir pour avancer. Tu prends pas les moyens, tu vas aller nulle part. Comme quelqu'un qui dit je prends une voiture, mais pas d'essence dedans. Il a plus d'accélérateur. Tu vas aller où là? Je vais aller là-bas. Mets de l'essence déjà en premier. Non, il n'y a pas besoin d'essence, c'est de perte de temps et tout. Ben, tu vas aller nulle part avec ta voiture. Juste tu vas la pousser. Tu vas faire 10 mètres, tu vas être fatigué, tu vas dormir. Alors que dire à l'échelle islamique, à la Oumma? Dans le Coran, on a tout expliqué comment avancer. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué comment faire. Les Sahaba ont suivi, ils nous ont montré comment faire. On ne veut pas comme eux, on n'y arrivera pas. Et c'est pas en criant, en manifestant et en faisant des messages en sortant du Coran Hukam que Allah va sauver la Oumma. Sûrement pas. Que ce soit la Palestine ou ailleurs. Hein. La Palestine, c'est juste un reflet du hal de la Oumma, c'est tout. Hein. Même demain, la Palestine s'arrête, il y aura autre chose derrière qui va arriver. La Palestine, c'est juste un indice pour nous montrer comment on est. C'est pas genre, tant qu'on n'a pas la Palestine, le jour dans la Palestine, c'est qu'on sera victorieux. On dira non. Le jour où on récupère la Palestine, c'est qu'on va récupérer beaucoup de choses. Et ce sera quand ce jour-là? Le jour où on sort sur le djinn sahih. Avec le amel sahih et l'ikhlas. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, ça ne sert à rien. Alal asaf. Donc le kalam là qui disent, il est jamais, c'est vrai. Mais il n'est pas. Au waqir, il khalif zalik. Taïb, narjel asila. طيب السؤال أينه لماذا شعر منصور بالسعادة وكيف منصور ressenti du bonheur ماذا سيفعل يحيى بعد أن يدرس الخريطة qu'est-ce que va faire يحيى après qu'il étudie la carte ما الذي تعرف عن الأمة الإسلامية qu'est-ce que tu de la communauté islamique ما الذي يجعل الأمة الإسلامية قوية qu'est-ce qui fait que la Umma islamia elle est forte ما واجب المسلمين نحو أخيه المسلم qu'est-ce qui est obligatoire au muslim auprès de son frère le musulman ما الذي يتمناه منصور للمسلمين qu'est-ce que منصور espère des musulmans هل سيقرأ منصور ما سيكتب يحيى est-ce que منصور va écrire ou va lire ce que écrit يحيى non donc ça c'est assis là tu le feras il le rate inchallah. La parenthèse, l'autre jour, je t'avais expliqué, j'avais dans le Kitab 3, qu'on a écrit de ce livre-là, avec un frère, Sanaa. Moi, c'est mon habitude, hein. Tout le temps, quand il y a besoin de faire Nasiha, on l'a fait. C'est un Kalama Tariq à faire, même si c'est sans du Ders. Quand c'est Mouhim, c'est Nasiha. Pour les musulmans, on l'a fait. Demain, tu peux un Ders de Nahou, il n'y a rien qui t'empêche de parler de Masal de l'Aqida, de Menhaj, ou autre chose. Quelqu'un nous a écrit un long mail pour se plaindre que je parlais sur les juifs et les chrétiens. Tu vois. Donc, tu vois, des gens qui comprennent comme ça. Tu vas aller où? Dis-moi, tu parles de langue arabe. Qu'est-ce que tu parles sur les chrétiens? Ça fait partie de nos akeda de parler sur les juifs et les chrétiens. Si tu n'as pas compris ça, tu vas nulle part. Genre, il faut parler gentiment pour les attirer à la religion. Donc, le juif et le chrétien, il ne faut pas les critiquer en fait. Si tu les critiques, tu es la cause de leur méfiance. Dans le Coran, elle les a critiqués. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a combattus. Et ça lève. Aujourd'hui, nous, on doit parler. Non, il ne faut pas les critiquer. Sinon, ils ne vont pas voir la beauté de notre religion. Tu vois ce genre de kalam? Quelqu'un dit je vais apprendre la langue arabe. Taïeb, la akida tu l'as pas comprise. Et dans la langue arabe, on donne des forwards dans la akida. On te donne, tu te plains. T'arrives pas à comprendre. À quel point de cette ignorance on est arrivé. Le Coran est rempli de mise en garde contre les gens du kouf. C'est ce que Allah Santala attend de nous. Hein? Et quand tu t'appliques, les gens te disent ouais, t'as la source infuse, tu te prends. Tu parles sur eux. Allahu Akbar. Et tu le verras, ces gens-là parler plusieurs fois sur les gens de la Sunna, les salafis, qui sont beaucoup de juifs et de chrétiens. Allah Asaf. Taïe. Al-Anna Khouza Thalith. De mettre les As-Ila aux questions suivantes, aux réponses suivantes. Awalan, na'am, ma'alifatu ahwal muslimin, amrun daruriyun. Oui, le fait de connaître la situation des muslimines, chose nécessaire. Na'am. Tchalan. Je fais la question. Allez voir. هل معرفة أحوال المسلمين أمر ضروري؟ أيوة. نعم. Tu vois quand tu expliques le hal des musulmans, les gens se plaignent. Tu dis que c'est daruri, ça c'est un kalam mais il est sahih. Comment veux-tu connaître ton adversaire si tu ne connais pas toi-même? Et Cheikh Al-Islam le dit bien. Parmi les shurut de l'émir, quand il part en conquête, c'est d'abord qu'il unisse les rangs et les cœurs de ses soldats. Il part pas s'ils sont en divergence. Parce qu'ils vont faire la guerre entre eux. Tu es arrivé devant ton ennemi, ton voisin, c'est le premier qui va te combattre. On va aller où comme ça? Donc ton ennemi va juste se reposer, regarder, attendre qu'il ne reste plus personne, et après il vient, il se termine le reste. Il dit c'est bon. Les Moussimnus font la guerre entre eux, laissez-les, et après on finira les derniers. Et après on va aller libérer la Palestine, libérer la Syrie, libérer Gaza. On ne s'est même pas libéré nous-mêmes. Thaniyan, Mansourun sa'idun bima ra'a wa ma sami'a. Mansour est heureux de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu. Bima va. Mansourun sa'idun. C'est comme ça que c'est parlant, ça? Bima va. Mansour sa'idun. Tu peux dire ma sabeb sa'alat Mansour. مثلا اريدون اكتب مقاله ماذا تريد هو وما ماذا تريد تكتب ان تكتب المسلمون امه واحده تجمع بينهم العقيده الاسلاميه كل المسلمون sont une seule communauté et que ils sont unis sur l'aqida islamia ماذا المسلمون ماذا يجمع المسلمون ماذا يجمع بين المسلمين ماذا يجمع بين المسلمين Oman et Muslimoun, tu peux dire, Mathalan. Tu vas dire Aïn Allah, ils vont dire c'est cool les mecs. Les taillés. Quand tu vas dire Aïn Allah, ils vont dire qu'est-ce que tu poses comme question, toi Aïn Allah. Chib, il va dire qu'est-ce que j'en ai à faire, comme il l'avait dit l'autre, Sénécoussienne. Qu'est-ce que j'en ai à faire de. Tu me demandes Allah, il est où. Donc, Coran, il te dit il est où, toi, t'en as rien à faire de. Il est où Allah, ce là. Il y avait qui avait dit ça? Une fa'ida. Que des gens disaient Antum. أنتم من تم البخاري حدثنا أخبرنا حدثنا وأنبأنا. Et les gens sont déjà en train de sont sur la lune là. D'après lui, alors que la lune il y a personne qui a été, tu vois. Pour te dire déjà, même ça ils y croient. Alors je sais pas où est-ce qu'on va aller. Vous êtes encore en train de dire حدثنا أخبرنا, c'est-à-dire en train de dénigrer les chaînes de narration. Tu vois. Qu'est-ce qu'il a répondu le shir? Il a dit vous, vous êtes accroché à la créature, nous on accroché au créateur. Ce أخبرنا حدثنا nous amène à quoi? Au créateur. Et vous refusez, vous amène à la création. Si jamais vous y avez été pour de vrai. Tu vois. Nous, on parvient à Allah avec la science. Mais vous, parvenez où? Nulle part. T'as vu ta télévision, t'as entendu que face, il y a eu Apollo 13 qui montait sur la Lune, t'y as cru. Allez. T'as cru aux légendes que les koufars te disent. Pourquoi? Parce que t'as pas de tamise. T'as pas de tamise, t'as pas de basira. Tu connais pas ton ennemi. Le maître qu'il a. Il te fait croire qu'il est sur la Lune, comme ça, t'es impressionné par lui et demain, t'oses même pas l'affronter. Tu dis, vous êtes là, Hadassana, avec beaucoup de monde dans les mosquées. On est sur la lune, donc. Tu vois. Genre, vous les boussez, vous, nous êtes. C'est un café qui a dit ça. Là. Non, je parle de l'histoire qui a été citée. Antum azeltum ma haddathan akhbarana. El nasque de wassalou le kamar. Les gens sont arrivés déjà sur la lune. C'est impossible qu'il a dit ça. T'en as plein comme ça aujourd'hui, ils te disent. Qu'est-ce que vous embêtez avec vos koutoubs là? On a des choses à faire, on a des avions inventés, on a des aéroports à faire, on a des armées à Gaza, on a la Palestine à libérer. Tu vois. Tu veux libérer la Palestine, commence par monter ta religion. Parce que on dit tu veux faire un djihad. Le djihad, c'est pas un jeu. Il y a des règles. Comment tu veux les connaître, les règles? Car le djihad, c'est un sabab. Al-fawz min Allah. On l'a pris dans ta wakul. Tu as terminé dans Allah et tu prends les asbab. Si Allah ne donne pas le fawz, tu pourras prendre tous les sabab de la terre. Tu n'auras rien du tout. Tu peux avoir la plus grosse armée, le plus gros arsenal, les soldats les plus entraînés. Si Allah ne veut pas, même, tu n'auras rien du tout. Si Allah ne veut pas que tu arrives, tu n'arriveras à rien du tout. C'est Allah qui apporte le nom. Hein? Comme on a dit Azawaj, comme on a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est quoi? C'est protéger les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment tu les protèges puisque tu ne connais pas? Commence par apprendre. On ne te dit pas qu'il faut que tu deviennes chez l'islam pour pouvoir faire ça. Non, tu as des bases à connaître. Tu ne les connais même pas. Tu ne les connais même pas, ces bases-là. Ils suivent comme ça la masse, mais au fond, tu lui poses des questions, ils ne sauront pas. Pourquoi? Parce que pour eux, apprendre, c'est une perte de temps. Il y a des choses à faire. Et tout ça, leur cause, c'est quoi? C'est la dunya. Leur cause, c'est la dunya. Donc, on arrive à ce qu'on en est. Et là, on arrive à un stade où ben, les koufars, ben, ils n'ont pas parvenu. Ils t'ont arrivé, ils t'ont charol, un portable, un réseau social, un ordinateur, un casin, hop! Ils ont charol. t'as passé un portable, t'as oublié ton Mossaf. Ils t'ont fait un iPhone 7, là, khalas, Mossaf, tu l'as oublié. Ils t'ont fait Facebook, Boukhali, tu l'as oublié. Ils t'ont fait Twitter, khalas, les koutoub des salafs, tu les as oubliés. Tu vas prendre que là-dedans. Tu vas prendre que là-dedans. Donc ils ont vu. Comme on dirait, ils ont. C'est comme c'est le syndrome du voleur qui jette un os pour le chien. Jette un os, tiens, prends l'os, genre dans la maison pour cambrioler. Alors que le chien est en train de se ronger l'os, cambrioleur, il rentre. Il faut ce qu'il a fait, il s'en va. Tu vois. Et à la fin, il voit le chien, il fait tiens, t'as un bon, hein, t'as un deuxième os, tiens. Et il se passe quoi après le chien quand il voit le cambrioleur, le lendemain? Il va grogner, là il va se faire avoir un os. Le cambrioleur, le lendemain, il va revenir, le chien va arriver en remontant la queue. Après le cambrioleur, il fait ce qu'il veut, il rentre, il sort, il rentre, il sort. Juste quoi, il ramène un os au chien. Tu vois? Maintenant, il marche comme ça, à l'Al-Asaf. Tu leur donnes de quoi s'amuser, tu râles, voilà, si t'as oublié. Ils t'ont oublié. Et là, le café, il fait ce qu'il veut, il joue avec toi. Ce qui se passe au Yémen actuellement, c'est ça. Hein, hein, c'est quoi? C'est un Darf que là où. Les Houthis, ils sont une poignée. Là, je sais beaucoup de parler sur eux, parce qu'il y a un petit groupe de jeunes dans la rue. Shabab El Moumini, il s'appelait. Un petit groupe de jeunes, ils étaient. Je sais pas où ils faisaient Aoula. Aoula, Shabab El Moujilibin, ils s'appelaient. C'était l'affaire de quelques fourgons de police, là, c'était fini avec eux. Regardez, ils sont arrivés à quoi aujourd'hui? Ils ont failli prendre le Yémen. Pourquoi est-ce que les gens n'écoutaient pas? On leur disait, eux, ils font ça, ils font non, ils sont bien, ils sont gentils et tout. Les côtés, on n'est pas aussi. On mettait en garde contre eux. Non, ils sont gentils et tout. Ils donnent de l'argent. On a plus de caraba avec eux. Ils ont baissé le prix de l'essence. Ah, que d'Adonia. Et quand ils sont arrivés à la Wakbar Montaméricain, ils vous ont tous tué. Ah, le Houthi, c'est un adou. C'est... Ah, ouais, on vous l'a dit. Vous êtes en train de nous critiquer parce qu'on était à la Hadassan Akbarana. On n'était pas crédible pour vous. Ah, ça s'est passé. Mais c'est inverse, tu vois. Pourquoi? Nous leur là pour qu'on se réveille. C'est pas pour qu'on soit exterminé. C'est pour qu'on se réveille. Pour qu'on se réveille. Et ça, c'est de Doulouse. La Syrie, le Yémen, tous ces pays, tout ce qu'il y a eu là, c'est de Doulouse pour nous. Et voilà. Mais on comprend pas. On comprend pas encore. Et qu'est-ce qui est derrière tout ça? Tu crois que c'est le Wasserman qui a fait la guerre en Syrie, qui a fait la guerre en. Qui a fait les révoltes en Égypte, qui a fait les révoltes en Tunisie ou au Yémen? C'est Wasserman. C'est qui? C'est les gens chez qui tu vis là. À qui tu payes des impôts. De qui tu prends la sécurité sociale. De qui tu prends les mutuelles. De qui tu prends les aides. C'est eux qu'on veut tout ça. T'es en train de cracher sur Wasserman. Et demain, t'as fait la queue pour aller voter pour Macron. T'es en train de cracher sur Wasserman. C'est pas tous, hein. T'en as, ils votent pas. T'en as, ils sont comme ça, ils votent pas. Mais ils sont là. T'es en train de prendre un téléphone portable fabriqué par ton ennemi et tu râles. T'es en train de critiquer Wasserman. Tu vois? Mais la plupart arrivent, tu regarderas leur hell. C'est pour ça qu'ils se cachent, hein. T'en as, ils parlent, ils se cachent. Ils cachent leur identité. Pourquoi? Parce que sans savoir qui ils étaient, on dirait à toi, tu parles. On te connaît, tu fais ça, ça, ça, et tu parles sur Wasserman. Ou tu parles sur le Hakim Fulani. On te connaît, toi. Mais ils se cachent. Pourquoi? Parce que certains mecs, qu'eux-mêmes, ils sont pas crédibles, sans savoir qui ils étaient. Celui qui est non, si, sincère, il se cache pas. Il cache pas son identité derrière un pseudonyme ou derrière une image. Il se cache pas. Les salafs se cachaient pas. Si Nasiha, un hakim, t'as des sahaba, ils ont déjà fait une cam ou un hakim. Devant lui. Lui-même, tu vois. Le Hajjaj ibn Yusuf, il a combattu les sahaba, il en a tué plein. Des ulama. Pourquoi? Il savait qui ils étaient. Certains des sahaba, ils sont sauvés. Pourquoi? Parce que par peur de son mal. Mais ils se cachaient pas leur identité. Quand ils parlaient ouvertement. Eux aujourd'hui ils sont là, ils se cachent derrière leur téléphone, derrière leur ordinateur. Hein, ils démontent tout le monde. T'es qui toi? Tu sauras pas qui il est. Pourquoi tu peux pas dire on sache qui il est? De quoi t'as peur? Car ici, si on sait qui il est, on va dire ah bah toi, on te connaît. Toi t'as ça, déjà occupe-toi ça, ça, ça, ça, après on verra, le roi Salman. Ou je sais qui encore. Que de la lâcheté. Donc des gens comme ça ils vont libérer la Palestine. Ils avaient même pas écrit sur internet avec leur nom. On va pas dire leur adresse, savoir qui ils sont. Hein? Et ils veulent aller combattre la Palestine. T'as un lâche déjà sur ton ordinateur, ton PC, et tu veux aller combattre les Juifs en Palestine. Tu veux libérer les Palestiniens. T'arrives même pas à faire face, à assumer tes paroles, juste des paroles sur internet, et tu veux aller prendre des armes et combattre un ennemi devant toi. La ilaha illallah. Allah, c'est taqrib al haqa'iq. Laquelle? Ça arrête à laquelle? Il y a je t'amène un muslimoun fille, sans rentrer libre, vers quoi? Qiblatine wahida. Non. tous les musulmans se dirigent vers la salat, c'est la qibla. Aïna yattaji les musulmans, yattajihu les musulmans. Où est-ce qu'ils se dirigent les musulmans? C'est la 5. Nahwa ma za yattaji les musulmans. Même Satana, ils font salat. Il y a le musulman à côté, il fait salat au travail. Pendant son travail. Après, il va critiquer les gens. سادسا ان قوة المسلمين في قوة عقيدتهم في الفاظ المسلمين ولا فاظ العقيدة صحيح اين قوة المسلمين نعم ادعو الله ان يديم بين المسلمين الحب والتعاون جابوك الله qu'il fasse demeurer entre les musulmans l'amour et l'entraide. لماذا تدعو الله نعم et la mahabba, voilà, on aime nos frères. Mais on les aime en mesure de leur tamassouk. Plus ils sont accrochés, plus on va les aimer. Et moins ils vont s'accrocher, moins on va les aimer. Ala ou voilà le bara. Faminan, el muslim, le muslim, quel bounien, et chute de barda. Le muslim pour le muslim. Comme une construction, ils s'en renforcent, ils se renforcent les uns les autres. Keifa. تعاون المسلم أو كيف حل المسلم للمسلم وكيف المسلم للمسلم on va faire le sabiyah du bayt fakat نقرأه et tu feras pour demain inshallah sabiyah أكمل الجملة التالية تنتشر دول المسلمين que les pays des musulmans se propagent قوة المسلمين la force des musulmans تجمع بين المسلمين unis entre les musulmans يعني tu mets telle chose et telle تعاون المسلمين وتمسكهم بعقيدتهم que l'entraide des musulmans les leur accroche à leur عقيدة كتب يحيى مقالة que يحيى écrit un article معرفة أحوال المسلمين la connaissance du hal des musulmans إن التعابد إن تباعد دول المسلمين سيأت للون مون دي بي دي مسلمين إيش ملا سويت نفهم هذا طيب عفوا نحن نتحدث اليوم شوية أحيانا لا بس كذا فيلا هنا والحمد لله رب العالمين